j'en la voix ferrée. En écoutant mes prods, je voyage. J'prends le temps de respirer. Viennent des images. J'kiffe ces moments simples et c'est ma richesse. Un beat sur un beau son, voilà mon ivresse. Le temps n'altère pas cette magie. Dès que le son me touche, ma plume réagit. De mélodies parlent de grande peine. Comme d'autres souffles, l'espoir, mes mots se promènent. Accompagnés par l'ébène et l'ivoire. Compagnons de grande valeur. L'échantillon en boucle me raconte sa douleur. Des noirs et des blanches, à la suite sur une portée. Et tout d'un coup, l'espoir flanche, tout est emporté. Je reste fasciné devant la force de quelques notes. Je pèse mes mots, ne comprennent que quelques potes. 3x16 mesures pour parler de la nuit, de la musique, des mots, parler de ma vie. Et tant que la boucle tourne, tout va. Tant qu'ils vont ma feuille, je rappe tout bas. Tant que la boucle tourne, tout va. Tant qu'ils vont ma feuille, je rappe tout bas. Tout bas, tout bas, tout bas. François compose la BO de ma vie. Je pose des mots sur mes échymoses et un morceau prend vie. La musique reste la plus fidèle des compagnes. Elle berce nos joueurs, nos peines, elle part nous accompagne. Tu me virates. Comme un enfant élevé à faire grandir l'amour du rap jusqu'à en crever. Je vais pas te mentir, nos choix se paient cher. Et tant pis, s'il y a pas de vacances, j'écrirai. Et c'est ce qu'on fera des séquences, des albums à faire. On se bat pour la musique qu'on aime. Un rappeur, un compositeur, un putain de tandem. On est un gang dans le gang, personne comprend notre langue. Au détroit territoire, j'suis dans mon univers. J'me fous des mauvaises langues, on lâche notre rap. On se fout des tendances, on se fout que les gens dansent. On garde nos caps, nos thèmes, nos claps. Et peu nous importe que t'en penses. Et tant que la boucle tourne, tout va. Tant qu'il devant ma feuille, je rappe tout bas. Et tant que la boucle tourne, tout va. Tant qu'il devant ma feuille, je rappe tout bas. Tout bas, tout bas, tout bas. Ces jours de pluie, rien d'autre à faire, on bosse le son. Et tombe la nuit, je te vira, ton fait du bon. Juillet pourri, c'est ce que donne le ton. Et l'échantillonne, je griffonne, un été de plus, les pieds sur le béton. Un peu de ciel bleu entre deux averses, le temps reflète notre carrière, on se dit faut qu'on perce. Samedi 17, 21h34, refrain la caisse, faut la mix et mat. On pousse les watts, deux secondes pour se faire zirpler. Est-ce que c'est possible de rester vrai et de se faire du blé? J'suis pas de mon savoir-faire, j'fais des palettes. Mais on lâche pas l'affaire. 2005, notre première galette. Premier album dans les bacs. Et Fabien, salopard, paye ta canette. La route est longue, mais pour tous les frères qui poussent derrière, on va y arriver. Et tant que la boucle tourne, tout va. Tant qu'il devant ma feuille, je rappe tout bas. Et tant que la boucle tourne, tout va. Tant qu'il devant ma feuille, je rappe tout bas. Tout bas, tout bas, tout bas.